rock to the dub. Everybody feeling Irish tonight. In the matter you a walk, Mr. Vegas knock ya. In the matter if you black or you white. Girl waistline a swing, Mr. like engine. And them and them a drink red stripe. So follow Vegas, Jackie and Benji. Everybody just keep me alive. Debout, que la fête commence. Les mecs on sont dans la danse. A Mr. Vegas original, me a no criminal. Me send me party with your sexy gal. Hey. Debout, que la fête commence. Les mecs on sont dans la danse. Jackie and Benji, well official. Mais c'est un party like wild animal. Mais je veux voir tout le monde, oh, je répète, au milieu des dance floors. Que tu sois en solo ou en couple, corps à corps. Benji dans la dance hall, voilà ce qui arrive. Je te donne ton livre en raga raga pour les massifs. Oui, j'aime tant cette musique, oui, j'aime tant son groove. J'aime quand tu t'agites, oui, j'aime quand tu bouges. Mets-toi à l'aise et suis le mouvement. Fais-lui voir que tu assures, mais vas-y doucement. Son nom c'est Dance Dance Dance. Je veux voir les filles se déhancher. Oui, c'est oui, Dance Dance Dance. Tous mes stars là se découler. Mais c'est Dance Dance Dance. Je veux voir la foule s'agiter. Son nom c'est Dance Dance Dance. Tout le monde s'y. Tout le monde debout, que la fête commence. Les nègres marrons sont dans la danse. Ah, mais ça vie est grâce original. Mais y'en a un criminal. Mais c'est mes parties, we don't sex legal. Hey. Debout, que la fête commence. Les nègres marrons sont dans la danse. Jackie y'a même dit, well official. Me say them party like wild animal. Hey. Je sens que c'est chaud, les gros, j'ai le flow qu'il faut. J'suis venu vous divertir. Branche-nous les micros, qu'on prenne la scène d'assaut. Nèg marron pour vous servir. Oh. C'est l'enfant du peuple et la voix du ghetto. Oh. Benji c'est type sec et Jackie Brown le gros. Criminel au micro, tu sais qu'on marche pas nos mots. J'adoucis les mœurs, c'est bousille le tempo. Viens sur la piste et oublie tes blèmes. Oh. Ici pas d'amateur, t'as affaire à des pros. Nèg marron dans la danse et on vient mettre ça. Oh. Came to Kingston and them see ya we party till he done. And them see all the man and the girl them. Them no stop dance and a beat get the drum. Me say man a woman them all love up together. Everybody just a have pure fun. The way the system a play could a stay as a feel it jerk up all the whole stadium. In a this a party, everybody irie. What Jackie and Benji them a drink Hennessy. No partiality, ya just equality. Everybody just a one unity. Tout le monde debout, que la fête commence. Les mecs marrons sont